m'est bien inspiré d'écouter sérieusement ce qu'on vous a imposé comme simplissime dénuement. La force parvient enfin à une totale fulgurance. Le merle dans le matin, le mage en guise d'espérance. Pour toi ce tort, Paris reprend lundi, Paris repris depuis Bougie l'an 9. Paris repris depuis, sans passion consentie. Pourquoi retorturer? Et le ressens au plus profond de mes tourments. Donne le change, mais tu t'épends sur le passé de nos serments. Cela tente la belette et je m'étonne de cette absence. Pense avoir perdu la tête en toutes nos arborescences. Depuis 2009, Paris reprend lundi, sans passion consentie, pour toi ce tort. Paris reprend lundi, Paris reprit depuis Bougie l'an 9. Paris reprit depuis, sans passion consentie, pourquoi retorturer? Pourquoi retorturer le verre?